Si vous saviez combien de fois j'ai dans mes rêves revu des lieux bien au-delà de l'horizon, où j'ai souvent dit à la grève mes songes de vagabond. Si vous saviez combien de fois mes transhumances à des salaires de fortune clandestins ont dans les cieux de l'innocence séché mes pleurs et mes chagrins. Si vous saviez combien de fois pour un empire à l'étendue d'un désert si souverain, au sablier de mes soupirs, guidait mon cœur de balada. Si vous saviez combien de fois pour des blessures à des cailloux sur des chemins éparpillés, soigner des cris, c'est des murmures à la terre de mes souliers. Si vous saviez combien de fois dans mes errances à des pays, des îles et des continents, j'ai dit ma peine et ma souffrance à la rose des vents. Si vous saviez combien de fois pour d'autres causes à chaque pas sur mes désirs retrouvés, aux aphorismes de la rose, à des aubades j'ai mené. Si vous saviez combien de fois d'incertitude à des parcours de sentiments inachevés ont essayé mes solitudes, mais sans jamais pouvoir l'ôter. Ma vieille habitude de l'éternité.